Mère Philomène, mère. Tu as besoin de pamba mère. Tu as besoin de niveau naoté. Ma petite n'a pas secrétaire. Oui, bien. Les routines n'a pas bangou. La tine n'a pas bangou. Bon, petite à l'église. À l'église. La salénini. La gangisaïe. Petit, faut pas de petit. Faut pas de. La mère Ode. La petite moto dans les bangas. Clotaire a une femme nommée Philomène. Elle est dure avec lui souvent. Elle lui dit: quand j'étais jeune, tu m'as célébré. Et encore: maintenant que je suis vieille, tu me jettes. Un vrai dragueur, crois-moi, il sait y faire. En moins de 3 secondes, ta femme devient sa secrétaire. Ne laisse pas ton homme se défiler, Philo. Tourne pas le dos à Clo-Clo. Maman, tourne pas le dos au gigolo. C'est comme ça qu'on appelle Clotaire en ville. En pile les filles filent à la congolaise. Clotaire en file à tout va, à 100 à l'heure. De ces dames c'est le bourreau. Clotaire excelle dans le recrutement de secrétaire au bureau. Maman na bana, jika jalousie. Qui est mon amour, jika jalousie. Ce n'est que ma secrétaire. Il n'y a rien entre le connaître, yébié. Quand il s'agit de femme, on l'appelle Clotaire. Trouve que sa femme a vieilli à la dérive. En plus, maintenant, elle a du bide. Lui veut se refaire une jeunesse. Pourquoi pas la secrétaire qui lui glisse des mots doux, qui lui fait des caresses, l'allume avec une mini jupe, une pétillante Masoko. Il trouve qu'il se sent plus jeune à cet égo. Hey, moi aussi, j'en ai de bonnes sur Clotaire. Oeil, perçant, pince, 100%, y'a rien à faire, il me dit. Moi, avec Lenzele, j'suis pas secrétaire. J'en service cousin, j'suis bureaucrate, il me faut des secrétaires. J'ai lui c'est plein de demi-sœurs, demi-frères, Clotaire. Plante des graines, il a des causes dans tout l'hémisphère. Et Miss Flair, le frère, et son vice, l'air de rien, il glisse. Clotaire, il a le sens du sacrifice. Mama na bana, jika jalousie. Qui est mon amour, jika jalousie. Ce n'est que ma secrétaire. Il n'y a rien entre moi. Quand je descends et que je vois Clotaire avec ses Winston, avec ses yeux revolver. Bâtiment 1, 2, 3, il a des femmes partout. Pourtant, ce n'est pas lui qui a le plus de sous. Fait tout discrètement, peut-être qu'un jour sa femme le chopera bêtement. Mais il continue à mentir et il se fait plaisir. Fait des mômes partout et après il se tire. Ils se ressemblent, ça semble, Clotaire et moi ensemble. Dans une discothèque, les mecs guettent leurs femmes et tremblent. Réputés pour faire des belles dames, les rivales de nos femmes. De Philomène à la mienne, on slalom et on ramomène. Une double vie, à mon avis, on nous envie même si on leur ravit leur bien ici, on est ravis quand je dis. Dernière pierre qu'on a banni l'adultère, que l'on s'adresse à leur femme parce qu'on cherche une secrétaire. Mama na bana, jika jalousie. Qui est mon amour, jika jalousie. Ce n'est que ma secrétaire. Il n'y a rien entre moi. Rodéo chez Dorothée, quand la vie avec Philomène l'a rodé. Oh, biro numéro 2. Chez Nana pour damer le fumbo. La Mwambelo Kwanga. Ah, bureau numéro 3. En France, chez Agatha Goncourt, tu vas grailler les pâtes. Et bureau numéro 4. Ce ne sont que des secrétaires. C'est ce que disait le père Clotaire. Jalousie.